can't run, babe. Mwit la map kani, lesa map kui. Mla map soufri, ak yon anvi wap domi. Mwen ou pwem pou yon zombi, nan prizon avi. Mla map mouvi, ak yon anvi wap domi. Ou pwem pou yon zombi, ki nan prizon avi. Mla map soufri. Oh, no, God. pas fâché, c'est une bataille.